FSI French Revised. Dialogue number 4. Faisons des courses. Dialogue for listening. Listen. Faisons des courses. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Je crois qu'ils ferment à 6 heures. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Je dois justement aller en ville. Alors, j'accepte volontiers. Au grand magasin. Je voudrais des chemises blanches en colure 40. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-moi 4. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Au rayon des chaussures. Avez-vous des chaussures à grosse semelle? Oui, monsieur, si vous voulez venir par ici. Quelle est votre pointure? Je chausse du 42. Voici 3 modèles en marron. Voulez-vous les essayer? Cette paire me va très bien. Combien coûte-t-elle? Elle n'est pas chère. 46 francs 95. Bien, je la prends. Dialogue for learning. Repeat. Faisons des courses. Faisons des courses. Les magasins? À quelle heure ferment les magasins? Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Ferme à 6 heures. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Je crois qu'il ferme à 6 heures. J'arriverai à temps. Je prends un taxi, j'arriverai à temps. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Quelque part? Vous dépose quelque part? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Vous dérangez? Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. En ville. Justement, aller en ville. Je dois justement aller en ville. Pas du tout. Je dois justement aller en ville. Pas du tout. Je dois justement aller en ville. Volontiers. J'accepte volontiers. Alors, j'accepte volontiers. Alors, j'accepte volontiers. Au grand magasin. En colure 40. Des chemises blanches en colure 40. Je voudrais des chemises blanches en colure 40. Je voudrais des chemises blanches en colure 40. À 15 francs. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Et c'est tout ce qui reste. Vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. Nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. Nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. Me faut. Ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-moi quatre. Donnez-moi quatre. Monsieur. Suivre la caisse, monsieur. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. Acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Est au rez-de-chaussée. Rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Au rayon des chaussures. À grosse semelle. Des chaussures à grosse semelle. Avez-vous des chaussures à grosse semelle? Avez-vous des chaussures à grosse semelle? Venir par ici. Si vous voulez venir par ici. Oui, monsieur, si vous voulez venir par ici. Oui, monsieur, si vous voulez venir par ici. Votre pointure? Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Du 42. Je chausse du 42. Je chausse du 42. En marron. Voici trois modèles en marron. Voici trois modèles en marron. Les essayer? Voulez-vous les essayer? Voulez-vous les essayer? Combien coûte-t-elle? Me va très bien. Combien coûte-t-elle? Cette paire me va très bien. Combien coûte-t-elle? Cette paire me va très bien. Combien coûte-t-elle? Vingt-quinze. 46 francs 95. Cher. 46 francs 95. Elle n'est pas chère. 46 francs 95. Elle n'est pas chère. 46 francs 95. Bien, je la prends. Bien, je la prends. Dialogue for fluency. Repeat. Faisons des courses. Faisons des courses. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Je crois qu'ils ferment à 6 heures. Je crois qu'ils ferment à 6 heures. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Je dois justement aller en ville. Pas du tout. Je dois justement aller en ville. Alors, j'accepte volontiers. Alors, j'accepte volontiers. Au grand magasin. Je voudrais des chemises blanches en colure 40. Je voudrais des chemises blanches en colure 40. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. Nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-moi en quatre. Donnez-moi en quatre. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Au rayon des chaussures. Avez-vous des chaussures à grosse semelle? Avez-vous des chaussures à grosse semelle? Oui, monsieur, si vous voulez venir par ici. Oui, monsieur, si vous voulez venir par ici. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Je chausse du 42. Je chausse du 42. Voici trois modèles en marron. Voici trois modèles en marron. Voulez-vous les essayer? Voulez-vous les essayer? Cette paire me va très bien. Combien coûte-t-elle? Cette paire me va très bien. Combien coûte-t-elle?